réveille dans un souffle métallique. Rides qu'il glisse, silhouette fatale. Des docks au désert, chaque monde résonne. Chaque pas, chaque tir, son nom s'impose. Rue vide, base abandonnée, chaque coin observe. Aucun faut pas tolérer. Raid et skill, frappe, précis, calculé. Dans chaque jeu, chaque map, sa loi est dictée. Zurich Anker.